fasse, que l'on fasse. Que l'on fasse, que l'on fasse. Ils ont peur qu'on arrive le soir. D'un coup, les armées sont 2 euros, nous jamais on s'assoit. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et celle de la femme, c'est Michael Kors. Renoir, tu vas où tu fumes sur ta plaquette. Arrête d'inventer des dettes. Allez, paye-moi cash avant que ça pète. Ils ont rien dans les poches, ils ont tout dans la bouche. Trafic de tout genre, pour les tapettes, y'a des yokos à bouche. J'ai le mal de mer, je me fais mener en Paco. Tellement africain, je vais demander à Laurent Paco. Comment veux-tu que l'on fasse? Sur le bitume, y'a plus de place. Si les keufs m'arrêtent, mon affaire est merco classé. J'suis en classe à faire, quand j'arrive, j'me fais masser. Comment veux-tu que l'on fasse? Comment veux-tu que l'on fasse? Comment veux-tu que l'on fasse? Sur le bitume, y'a plus de place. Comment veux-tu que l'on fasse? Si ces PD font que des coups de crasse. Elle a pas tué cette pétasse. Mais comment veux-tu que je crache? J'suis à la station. Je mets le plat comme Philippe. Quand j'suis broliqué, y'a pas que Maurice qui flippe. Allez lui, vide ton sac. Rafale de balles dans la transac. Je fume l'asphalte au RS4. Elles ont la touche à qui sans le poisson d'abri. J'connais des mecs blindés qui ont des flottes sans abri. T'es venu pour danser, t'es reparti sans habit. Tout seul en cellule, pas de cantine sans amis. Sur la route du succès, j'ai emprunté le raccourci. Mon fils il a grandi, il fait la taille de Sarkozy. Mia, tu veux baiser, mais c'est ainsi, je suis baisé. Y'a certains frères qui partent sans même nous dire au fil d'un C. Comment veux-tu que l'on fasse? Comment veux-tu que l'on fasse? Comment veux-tu que l'on fasse? Sur le bitume, y'a plus de place. Comment veux-tu que l'on fasse, mon négro? Comment veux-tu que l'on fasse, mon rebeu? Comment veux-tu que l'on fasse, mon négro? Comment...